La femme qui pète au lit, éprouve quatre jouissances. Elle parfume son lit, elle soulage son ventre. Elle entend son cul qui chante dans le silence de la nuit. Elle entend son cul qui chante, elle empoisonne son mari.